Dis-moi tout, troisième niveau. Documents oraux. Centre bleu. Leçon 1, activité 1. Bientôt les vacances. Début juin? Quelle chance! Bientôt les vacances. Vite, vite, que ça commence. Le frisbee, le canot, ça c'est rigolo. Le soleil, mon maillot, et les deux pieds dans l'eau. Début juin? Quelle chance! Bientôt les vacances. Vite, vite, que ça commence. Le camping et la nature, ça, c'est l'aventure. L'escalade des rochers. Ah là là, j'ai mal aux pieds. Début juin? Quelle chance! Bientôt les vacances. Vite, vite, que ça commence! Leçon 2, activité 1. Suzy l'imprudente. Suzy n'est pas de très bonne humeur ce matin. Sa jambe lui fait mal, son bras est cassé, son manteau est tout sale, et elle ne retrouve plus son sac d'école. Voilà le résultat de son accident d'hier. Savez-vous ce qui s'est passé? Suzy roulait à bicyclette vers la maison d'une amie, sans trop regarder où elle allait. Elle est passée entre deux autos qui étaient stationnées. Et boum, une auto qui arrivait l'a heurtée. Heureusement, ce n'est pas trop grave. Suzy se promet d'être très prudente à l'avenir et de faire bien attention avant de traverser une rue. Leçon 2, activité 2. Pense à la sécurité. Évite de te baigner après avoir trop mangé. Si tu t'éloignes du rivage, porte un gilet de sauvetage. Pendant les vacances d'été, tu vas beaucoup t'amuser. Mais cherche à te protéger, pense à la sécurité. Quand tu te promènes en vélo, surveille bien les autos. Fais attention aux passants, tu n'auras pas d'accident. Pendant les vacances d'été, tu vas beaucoup t'amuser. Mais cherche à te protéger, pense à la sécurité. Si tu vas dans la forêt, n'oublie jamais où tu es. Si tu fais un feu de camp, tu dois l'éteindre en partant. Pendant les vacances d'été, tu vas beaucoup t'amuser. Mais cherche à te protéger, pense à la sécurité. Pendant les vacances d'été, tu vas beaucoup t'amuser. Mais cherche à te protéger, pense à la sécurité. Leçon 5, activité 2. Quand je pars en voyage. Qui me parle de toi un jour. se rappellera Berlingot et clafoutis. Un jour on se reverra, puis on se rappellera comment toi et moi nous sommes devenus des amis. Quand je pars en voyage, j'emporte avec moi, j'emporte dans mes bagages un peu de toi. Quand je pars en voyage, oui, j'emporte avec moi, j'emporte ces coquillages qui me parlent de toi. Un jour on se reverra, puis on se rappellera Berlingot et clafoutis. Un jour on se reverra, puis on se rappellera comment toi et moi nous sommes devenus des amis. Comment toi et moi nous sommes devenus des amis. Leçon 5, activité 3. Texte et illustration à associer. Dialogue numéro 1. Tu ne peux pas venir avec nous. Pourquoi? Tu n'as pas ton gilet de sauvetage. Oh, je l'ai oublié à la maison. Dialogue numéro 2. Miam, miam, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Je fais griller de la guimauve. Moi aussi, j'aime ça. Dialogue numéro 3. Qu'est-ce que tu as? Une guêpe m'a piqué. Viens, Cathy va te soigner. Dialogue numéro 4. Où est-ce qu'on va? Au parc. Mais non, on ne peut pas. Regarde le panneau. Interdit aux bicyclettes. Leçon 6, activité 2. Balade à la mer. Je rêve de voir la mer, de marcher sur la plage, de ramasser des coquillages et de sauter dans les hautes vagues. Je rêve de voir la mer, de faire des châteaux de sable, de ramasser des coquillages et de plonger dans les hautes vagues. Leçon 7, activité 1. Promenade en forêt. Monsieur Pinsonneau a organisé une chasse au trésor dans la forêt. Les enfants sont très occupés. Ils doivent trouver toutes sortes de choses. Nicole doit attraper un papillon et Pierre doit ramasser des fleurs. Les autres enfants doivent trouver de la mousse, des champignons, des cailloux, des plantes, des feuilles et des insectes. La journée passe très, très vite. Il est déjà 3 heures et il faut revenir à la maison. Tout le monde est prêt à monter dans l'autobus. Mais où est donc Frédéric? Il manque à l'appel. Où peut-il bien être? Leçon 8, activité 1. Vive les vacances! Vive les vacances! Oui, je vais voyager, aller au camp d'été, nager, plonger, manger, rien que m'amuser. Vive les vacances! Je vais faire du camping et pêcher à la ligne, le canot sur le dos, comme ce sera beau. Vive les vacances! Avec mon père, ma mère, nous irons à la mer, bâtir des châteaux de sable et jouer dans les vagues. Vive les vacances! Leçon 10, activité 2. Quand on partira pour le chalet. Quand on partira pour le chalet, on emmènera quelqu'un que l'on connaît. Ce sera Guy. Quand on partira pour le chalet, on emmènera quelqu'un que l'on connaît. Ce sera Marie, ce sera Claudine. Quand on partira pour le chalet, on emmènera quelqu'un que l'on connaît. Ce sera Martine, ce sera Monique, ce sera Eric, ce sera Élise. Quand on partira pour le chalet, on emmènera quelqu'un que l'on connaît. Leçon 13, activité 2. Les adieux de Berlingot et de Clafoutis. Adieu, mes amis! L'école est finie. Vive les vacances. Et surtout, bonne chance. Adieu, mes amis. L'école est finie. Nous partons en voyage. Soyez bien sages. Leçon 14, activité 2. Au revoir. Au revoir les amis, au revoir les amis, au revoir Berlingot, au revoir Berlingot, au revoir les amis, au revoir les amis, au revoir Clafoutis, au revoir Clafoutis. Nous avons bien travaillé tout au long de l'année, maintenant on a gagné un repos bien mérité. Au revoir les amis, au revoir les amis, au revoir Berlingot, au revoir Berlingot, au revoir les amis, au revoir les amis, au revoir Clafoutis, au revoir Clafoutis. Nous nous sommes bien amusés tout au long de l'année, nous allons nous retrouver après les vacances d'été. Au revoir les amis, au revoir les amis, au revoir Berlingot, au revoir Berlingot, au revoir les amis, au revoir les amis, au revoir Clafoutis, au revoir Clafoutis. Enrichissement culture. Activité 1. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. J'ai fait un dessin, un beau dessin, juste pour toi. Garde-le bien. Bonne fête, papa.